8 Tariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le parti FNL soutient que les élections prévues en 2020 au Burundi auront bien lieu. La secrétaire générale de ce parti a déclaré hier à Rumonge au sud qu'il n'y aura jamais de gouvernement de transition comme le penseraient certains. Les exploitants des matériaux de construction en province de Mwaro doivent nécessairement demander la permission au ministère de l'Environnement. Cela permettrait d'éviter des exploitations anarchiques, selon le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Vous l'entendrez. Et dans le reportage de ce dimanche, Joseph Nsabiyabandi nous conduira en province de Mwaro encore, où plusieurs cas d'accidents sont enregistrés sur la route Nyakararo-Mwaro-Kiwumbu, nouvellement bitumée. Le gouverneur provincial estime que cela est dû essentiellement à l'ignorance des usagers, les conducteurs en l'occurrence, et au manque de panneaux de signalisation. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti FNL soutient que les élections prévues en 2020 au Burundi auront bien lieu et il n'y aura jamais de gouvernement de transition comme le penseraient certains acteurs politiques du pays. Devant ses militants à Rumonge ce samedi, la secrétaire générale du FNL leur a demandé de contribuer financièrement pour que ce rendez-vous soit une réussite. Le point avec Jean-Pierre Misago. Selon Jeanne Ndimubandi, secrétaire général du FNL, que les banans marimwe soient rassurés, les élections de 2020 auront bel et bien lieu au Burundi sans passer par un gouvernement de transition comme certains le préconisent. Elle explique que la paix et la sécurité règnent au Burundi et que les politiciens en exil qui propagent les informations selon lesquelles les droits de l'homme sont bafoués et qu'il y a l'insécurité et donc que les élections au Burundi ne sont pas possibles ne cherchent que des fonds pour leur survie mais aussi de détourner l'attention des électeurs. Pour Jeanne Ndimubandi, les conditions pour la passation de plus bonnes élections de 2020 au Burundi sont réunies et que le parti FNL soutient le financement de ces élections par les Burundais eux-mêmes, appelant ainsi au Banamalimwe de Rumonge d'y contribuer massivement au moment venu. Pour cela, Jeanne Ndimubandi les appelle à s'y préparer déjà, porte à porte. Elle a déploré que les organes de son parti ne sont pas encore implantés jusqu'au niveau zonal, après avoir constaté que des 6 zones que compte la commune Rumonge, une seule avait et représenta dans cette réunion. C'est la 2e descente que les dirigeants du FNL effectuent à Rumonge dans près des mois. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci. Merci Jean-Pierre. Environ 500 moustiquaires et une dizaine de pirogues ont été brûlées ce samedi autour du lac Rweru en commune de Giterani. C'est dans la province de Kirundo au nord du Burundi. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage affirme que ces objets ont été détruits dans le cadre de la lutte contre les objets interdits dans la pêche. Le point avec Dieudonné Nzeyman. C'est au bord du lac Gweru, sur la colline Nzove, commune Giterani, que 500 moustiquaires, 4 filets non réglementaires et 1 kilo de filets maillants ont été incendiés dans l'après-midi de samedi. Sadiki Nyandui, représentant les pêcheurs dans la province de Muyinga, affirme que malgré les mesures de dissuasion à l'endroit des usagers du matériel interdit, certains pêcheurs ne désarmaient pas. Et pour Roger Sendegeya, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga, il faut renforcer les sanctions contre les récalcitrants en vue de protéger le lac patrimoine commun. Et ainsi, samedi même, 14 pirogues devaient être détruites. Tout matériel servant à la pêche des petits poissons doit être détruit, affirme-t-il. Jusqu'à l'heure actuelle, personne n'ose pointer du doigt directement les propriétaires de ces objets détruits. Les administratifs à la base précise qu'une fois la marine commence à patrouiller, seuls les objets sont saisis car les propriétaires se dérobent. Dieudonné Nzeyimana, Donzové, au bord du lac Gweru, pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné, et vous nous excuserez de la qualité sonore de cet élément. Les exploitants des matériaux de construction en province de Mwaro doivent d'abord demander la permission au ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans cette province dit que cela permettrait d'éviter des exploitations anarchiques. Laurent Ndikuriyo. Ces matériaux de construction sont les moellons, le sable, la latélite et l'argile. Selon Jean Bosco Ndendeke, responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province Mwaro, ceux qui exploitent ces matériaux doivent demander la permission au ministère de l'Environnement où ils s'engagent à la remise en l'état. Ils les invitent à se regrouper en coopérative comme le demande le Code de l'Environnement. Ils précisent que les exploitants de ces matériaux doivent demander la conformité environnementale au ministère de l'Environnement et l'autorisation d'exploitation au ministère ayant les mines dans ses attributions. Selon Jean Bosco Ndende, qui est responsable de l'OBP en province Mwaro, après une réunion qu'il a tenue avec eux en juillet dernier, le constat est que la plupart de ces exploitants, les exploitants de ces matériaux, sont en train de chercher les papiers exigés. Il indique que celui qui n'a pas encore ces papiers n'a pas l'autorisation de continuer ses activités. Il souligne qu'avant, des exploitations anarchiques de ces matériaux ont entraîné des ravins comme celui de Guitara en commune et Gisozi. Certains acheteurs de ces matériaux de construction disent que ces jours-ci, leur prix a augmenté suite à des papiers exigés. À titre d'exemple, un camion ben rempli de moellons est passé de 45 000 francs il y a quelques mois à 60 000 francs aujourd'hui, celui rempli de sable de rivière passant de 70 000 francs à 80 000 francs. Certains fournisseurs de ces matériaux disent que ces papiers exigés coûtent cher car ils exigent une somme dépassant 2 millions de francs bourg. De Mwaro, Laurent Dikurio, Radio Sanganiro. Merci Laurent. Page Culture est pour vous dire qu'une somme d'un million de francs burundais et un écran plat est le prix donné à chacun des gagnants de chaque catégorie dans une compétition musicale qui a été organisée par la Radio-Télévision Nationale du Burundi hier samedi. Les quatre catégories qui ont été primées avaient comme thème la santé, les droits de l'homme, la protection de l'environnement et le développement. Monseigneur Justin Baransanikier, grand artiste et spécialiste des musiques, directrice de l'école de musicologie de Gitega, était le président du jury de cette compétition. Il dit que les compétitions musicales encouragent et motivent les artistes. Christian Savier. Une grande foule avait répondu présent à ce grand rendez-vous, la finale, qui a réuni les compétiteurs venus de tout le Burundi. C'est dans un grand spectacle doublé d'une compétition à Bujumbura qui a commencé avec certains des meilleurs artistes du Burundi comme B-Face, Rally Joe, Vishu de Peace and Love, Farriers et également Natasha Ngendabanga qui a frappé très fort en prestant sur scène d'une façon pas très habituelle. Yes, it's trending. Après le spectacle, c'est le grand rendez-vous tant attendu, la proclamation. Mugisata chibidukikije uwa mbere yarosa manota mirongo indwi natandatu kwijana ni Leonard Ndayisaba. Monseigneur Justin Baransanikier est le président du jury. Il me donne ici ses impressions et parle de la valeur ajoutée après cette compétition. Bon, la première chose, c'est une satisfaction vis-à-vis de cet événement. C'est un premier pas que la RTNB donne aux musiciens du Burundi de tous les coins, toutes les provinces. Et je crois que les musiciens, même de leur côté, se sentent maintenant encadrés, vous comprenez. Nous sommes là pour encadrer la jeunesse et puis... Il y a une chose qui se passe en ce moment, c'est que les musiciens sont maintenant, ils se réveillent. Il va y avoir un réveil de nouveaux talents qui sortent qu'on ne connaissait pas. Nous savons que ça va venir. Vous allez les appuyer, vous les journalistes, et nous qui enseignons la musicologie, ainsi de suite, nous nous attendons à de très bons résultats dans l'avenir. Sachez que cette compétition, organisée par la Radio-Télévision Nationale du Burundi, était la première édition. La seconde pourrait avoir lieu l'année prochaine à l'intérieur du pays, comme le maître des cérémonies l'a dit. Et sachez également que les quatre gagnants dans les quatre catégories avaient reçu chacun une enveloppe de 1 million de francs bourg doublée d'un écran plat. source, reportage. Plusieurs cas d'accidents sont enregistrés sur la route Nyakararo-Mwaro-Kibumbu, dernièrement bitumée. Selon le gouverneur de la province, Mwaro, l'origine de la plupart de ces accidents est l'ignorance du code de la route par des usagers et l'insuffisance des panneaux de signalisation. Les habitants de Mwaro demandent la construction des deux dânes dans cette route pour diminuer la vitesse des engins motorisés et la formation de la population environnante sur le code de la route. Les détails, c'est dans ce reportage signé Joseph Nsabiyabandi. Nous sommes sur la route Nyakararo-Mwaro-Kibumbu devant le chef-lieu de la zone Makamba. Certains des habitants de cette zone reconnaissent que cette route leur apporte le développement, mais regrettent au même moment qu'elle est source de malheurs, notamment les accidents de roulage. Nous courons. Franchement, la situation est alarmante. Depuis la fin des activités de bitumage de cette route, on dénombre plus de 20 personnes qui sont mortes dans des accidents de roulage. La plupart d'entre elles ont été percutées par des véhicules et d'autres ont été tuées dans des accidents de moto. C'est déplorable. Le gouverneur de la province Mwaro confirme qu'en quelques mois, cette route a fait plusieurs victimes. Jean-Marie Nyakaregua indique que certains de ces accidents sont dus au manque de permis de conduire des usagers. Oui, nous sommes au courant. Depuis un certain temps, nous déplorons des décès. Cela est dû en grande majorité aux conducteurs de moto qui n'ont pas de permis de conduire et n'ont même pas souscrit à l'assurance. Aussi, je peux signaler la société qui a effectué les travaux de bitumage n'a pas fait d'enseignement à l'endroit de la population concernant le code routier. Pour diminuer considérablement ces accidents, Athanase Mhawenayo, chef de zone Makamba, demande la mise en place des dodanes dans cette route et la sensibilisation de la population. Nous demandons qu'on mette des dodanes dans cette route. Il est vrai, il y a quelques-uns, mais ce n'est pas suffisant. En second lieu, nous avons entendu qu'il y a des associations qui enseignent à la population environnante de la route comment se comporter face à celle-ci. Nous estimons que le moment est venu pour ces associations de faire cette activité. Le gouverneur de la province Mwaro rassure que différentes activités sont prévues prochainement pour diminuer ces accidents. Les travaux à effectuer en phase finale, ce sont justement la mise en place de ces panneaux de signalisation et ces dodanes. Alors on attend, ce n'est pas encore la fin du projet. Nous pensons que prochainement, il y aura ces panneaux de signalisation et ces dodanes. Est-ce qu'il y aurait un projet de sensibilisation de la population, y compris les conducteurs des motos, des véhicules, pour qu'ils sachent comment utiliser cette nouvelle manne qui est la route macadamisée? Le projet en soi avait le volet enseignement de la population quant à sa conduite face à cette nouvelle route. Mais ça n'a pas été fait. Mais dans la réunion que nous venons de tenir ce lundi avec les agents de l'ODR et de la SOGEA, ils nous ont promis de dispenser des enseignements à l'endroit de la population. Nous espérons que ça va diminuer sensiblement. Cette autorité demande à tout un chacun d'œuvrer dans le sens de diminuer sensiblement les accidents de roulage sur cette route. Joseph Nsabiyabandi. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jean de Dieu Ndaïsenga pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.